les morts, confronter le sort, arracher les stores. J'ai détourné les morts, détourné le sort, enlevé les morts. J'ai détourné les stores, arraché les morts, déconfronté le sort. J'ai confronté le sort, détourné les morts, arraché le store. Confronté les morts, détourné les stores et arraché les morts. Détourné le sort, arraché les sorts et arraché les morts. J'ai confronté le sort, détourné les morts, arraché le tort. Thank you. c'est bien mon lait, il dit c'est mon lait. Je suis bien mon lait, il dit c'est mon lait. Je suis bien mon lait. Mon lait, il dit c'est mon lait. Je suis bien mon lait. C'est bien mon lait, qu'est-ce que vous disiez de tout ça, mais quoi? Faut-il croire, que faut-il dire dans tout ce monde de merde, dans ce monde de merde, dans tout ce monde, il aurait-il, aurait-il une douceur inutile qui pourrait me combler, me faire un peu chavir dans ce monde de mélange irrégulier. De la détresse au fond du trou où l'on est. Et quand pourrais-je l'avoir près de moi, cette douceur? Un peu d'amour, un peu tous les jours, ce ne serait pas si mal. Un peu d'amour, un peu de douceur, un peu d'amour, un peu tous les jours, ce ne serait pas si mal.

jouer, on pouvait être heureux sur ce monde tranquille, peinard, en train de se croiser les pieds au soleil, mais pas trop chaud non plus. Si mal, ça aurait été bien. C'était pas si mal, mais ça aurait été bien. Et voilà, voilà, voilà, voilà, voilà la cupidité de l'homme et son ego démesuré. La cupidité de l'homme et son ego démesuré n'ont fini pas d'exister à la gloire de cet arrêt. La fin, le dégoût irrémédiable de l'humain, le dégoût irrémédiable de l'humain. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Est-ce qu'on les punira, tous ces gens qui ont fait du mal? Est-ce qu'on les punira vraiment? Une fois mort, comment veux-tu qu'ils soient punis? Ne croyez pas qu'il y ait d'enfer. Ne croyez pas qu'il y ait de paradis. On n'est que de la matière. On s'est donné de faux espoirs. De faux désespoirs. Pourquoi on aurait pu croire? Soit autre chose que de la matière. On n'est constitué que de ça, d'eau, d'atomes. De matière organique. matières et on finit dans d'autres matières fécales. Enterrons en compost, en bouillie, on finit en bouillie. Mangé par les vers, mangé. C'est soi-même, c'est quand on fait le bien qu'on est Dieu, c'est quand on fait le mal qu'on est diable. Oh, c'est tout ce qu'il y a, nous, on se croyait quoi là, au fond, mieux que les autres. On croyait qu'on pouvait faire plein de choses. Alors vu qu'on pouvait faire mieux que les animaux, on croyait qu'on était autre chose et qu'on pouvait être admis à d'autres. Conneries, bêtises, ignorance. Passer dans un monde autre que le monde. Quand on est mort, on est mort. Et il n'y a pas d'esprit, non, il n'y a pas d'âme qui flotte comme des fantômes. Take it in the pink and cry. The name of all my hand was a spray. Thank you. Rick and Nicole. Bonjour, bonjour. It's all wild and good for me that means so my cricket house. How many cricket house? Me che io disse non se bere, me che io disse non se beva, non se beve, me che io disse non se beva, me che io disse je non se beva, io disse non se beve, moi non se beva, fecco fecco fecco l'ita. Comme une momie, comme une écrevisse, une momie.